Et voilà, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est Will du PMR comme vous pouvez m'entendre. Et donc on attaque cette nouvelle édition du Punk Metal Rock. Et pour entamer cette cinquième saison, comme vous le savez, oui déjà la cinquième, hein, comme quoi le temps passe plutôt vite en votre compagnie, ça fait grandement plaisir. J'ai décidé de faire une émission assez spéciale, donc là la piste qu'on a écoutée ne sera pas la piste de l'album à l'honneur. Non, on va se refaire une petite diff d'une piste par album, c'est-à-dire 8 pistes au total, plus une ou deux pistes bonus en fonction du temps que, voilà, pour une fois je les ai déjà prévues, et ces pistes vont être chacune tirées d'un des albums à l'honneur de cet été. Donc pour se rappeler un petit peu l'été, tant qu'il fait encore chaud, et ben voilà, on a entamé avec le premier PMR of Summer 2016, c'était Radio Belgrade, leur dernier album Supernova, sorti donc cette année-ci, 2016, et on s'est écouté la piste éponyme Supernova. Donc un bon petit coup de rock grunge pour démarrer cette émission, ça fait du bien, en tout cas j'espère que vous partagez ce sentiment avec moi. Allez, comme d'habitude, je vous invite, si vous le souhaitez, à lâcher vos dédicaces, hein, www.punkmetalrock.com, c'est le site du PMR, vous y retrouvez tout ce qu'il faut. Sinon, également par SMS, hein, au 07 85 51 13 73. Et voilà, si vous voulez me dire un petit truc ou autre, hein, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et allez, on part maintenant sur le deuxième album qui était donc à l'honneur cet été, sur la deuxième semaine. Album sorti en 2015, groupe de thrash metal, groupe qui a su rester vraiment dans le thrash bien énervé. Bien entendu, on parle des gros de Slayer, les gros du thrash metal, bien entendu, avec Repentless, le dernier album. Et on va pas s'écouter la piste éponyme, cette fois on va changer un peu, on part tout de suite avec Take Control. Et voilà, tout simplement, Slayer avec Take Control, une des pistes tirées de l'album qui était à l'honneur la deuxième semaine de cet été, dans le deuxième PMR of Summer avec Weaponless, leur dernier album sorti en 2015. Comme vous voyez, malgré leur âge avançant, bon ça, ils sont pas si vieux que ça non plus, on va dire, ils ont su garder quand même toute la foi et toute leur énergie de genoux dans le trash, et ça, franchement, ça fait grandement plaisir. On part maintenant sur un autre groupe un peu plus rock, mais toujours bien metal quand même. Un groupe français qui nous a produit un putain d'album sorti donc en 2016. Le groupe produit par le label Fantasique, hein, je tiens à le préciser. Un label qui a su produire d'autres groupes vraiment bien travaillés, bien sculptés, comme notamment Acroma. Et bien cette fois-ci, c'est le groupe Elvaron avec leur album Ghost of Blood Tie. L'album qui était à l'honneur la troisième semaine de l'été dans les Punk Metal Rock. Je vous le rappelle, hein, vous pouvez lâcher vos dédicaces à www.punkmetalrock.com et on part tout de suite en musique avec A Price to Pay. Et ouais, vous êtes bien à l'écoute du Punk Metal Rock, et comme vous l'avez sûrement entendu, petit changement de piste entre temps. On a donc écouté tout à l'heure Price to Pay, tiré du groupe Elvaron, avec leur dernier album Ghost of a Blood Tie. Et on a enchaîné avec un autre album, un album assez concept, racontant toute l'histoire un petit peu de Moby Dick. C'était un vieil album, entre grosses guillemets, hein, sorti en 2004 du groupe Mastodon, et cet album s'appelait Léviathan. Voilà, je sais qu'il y a un album aussi qui vous a quand même bien plu, où j'ai eu quelques bons retours, et franchement, tant mieux, parce que moi aussi, c'est un album sur lequel j'ai bien accroché. Faut pas oublier non plus qu'il y a eu un bon petit changement de line-up pour ce groupe, et ce groupe-là, en plus, il est français, il nous vient du Sud. L'album est donc sorti en 2015, c'était l'album Tales of the Black Down. Le groupe Dagobah, et on se les réécoute tout de suite avec cette piste-là, The Sunset Curse. Une piste d'ailleurs d'ouverture dans les ouvertures de l'album, une des premières pistes. Et franchement, ça envoie la sauce quand même. Oh, Et voilà donc The Sunset Curse, piste 2 si je ne m'abuse, hein, de cet album Tales of the Black Down, donc sorti en 2015 pour notre groupe de métal, hein, assez industriel français d'Agoba. Voilà, un groupe qui a subi aussi des petits changements de line-up après coup, un petit peu avant aussi, mais franchement qui sait toujours nous sortir du gros son comme on aime, et je pense que vous avez pu le remarquer, ça envoie quand même du bois correctement. Allez, on va partir maintenant sur un autre groupe. Personnellement, un groupe que j'ai découvert juste avant de, pour la petite info, juste avant voilà, de le diffuser dans Spec Metal Rock de l'été, dans cette 7e édition. Donc, c'était la 6e du PMR of Summer, donc 2016. Le groupe s'appelle Winterbloat. Si je ne m'abuse, ils nous viennent d'Italie. Ils nous font une sorte de Viking Death Metal. Cet album, Realms of the Untold. Personnellement, je suis quand même assez tombé sous le charme. Il y a vraiment un très bon travail de composition derrière. Et ben, que dire de mieux que partir tout de suite avec leur piste d'ouverture, hein, Evoke by Light. Et voilà donc cette piste, c'est dirait-on piste d'intro, hein, piste d'ouverture de leur album Worms of the Untold, sorti en 2016 pour le groupe Winterbloat, qui apporte franchement des arrangements et un travail de composition fortement sympathique. En tout cas, j'espère que vous les aviez appréciés également dans cette sixième émission donc des Punk Metal Rock of Summer 2016. Comme vous le savez, je vous le rappelle, hein, vous êtes bien donc à l'écoute du Punk Metal Rock, vous l'aurez compris, première émission, et oui, toute première de cette saison 5 déjà, donc comme quoi ça passe plutôt vite, et on va continuer tout de suite avec l'avant-dernier groupe, et ouais, PMR of Summer numéro 7, donc avec le groupe Insomnium, un groupe qui nous a sorti donc en 2014 son album Shadows of the Dying Sun, un album que je vous chroniquais pour une chose, déjà voilà, c'est un album que j'ai réécouté donc à ce moment-là, ainsi qu'un ou deux anciens, et également un prochain album apparaître d'ici la fin d'année, comme pour un autre groupe, hein, c'est des albums que je vous chroniquerai, hein. Donc Insomnium va nous sortir prochainement un nouvel album, et Dark Tranquility aussi pour les connaisseurs, ne vous en faites pas, dès qu'ils sortent, j'essaye de mettre la main dessus au plus vite, et je vous les chronique dans le Punk Metal Rock. Allez, en attendant, Insomnium avec cet album Shadows of the Dying Sun, on s'écoute tout de suite dans ce permis d'entrée, la piste While We Sleep. We'll be right back. Wild Westlip, donc du groupe Insomnium, je pense que vous les aurez classifiés tout de suite hein, dans le melodic death metal, bien entendu hein, c'est quand même le cas, ça se ressent et franchement c'est de la bonne musique. C'était donc l'album Shadows of the Dying Sun, sorti en 2014 et prochain album comme je vous le disais d'ici la fin d'année 2016. Voilà, le temps avance hein, dans ce premier PMR de la saison 5, environ comme je vous l'ai stipulé par vidéo. Et comme vous le savez sûrement aussi, si vous suivez un petit peu les news du punk metal rock, voilà, les nouveautés à venir sont également un petit peu les chroniques vidéo, un peu plus de présence sur les réseaux sociaux aussi. J'espère que tout ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me donner vos retours, à me montrer votre présence également. Ça fait toujours grandement plaisir, hein, comme pour les dédicaces, hein, je vous le rappelle, www.punkmetalrock.com, par message également au 07 85 51 13 73. C'est d'ailleurs mon numéro perso, je ne vous le cache pas. Allez, on continue et on part tout de suite sur la dernière piste. Et oui, on a déjà fait 7 PMR of Summer sur 8. Et le 8e, on l'a terminé avec un album assez particulier. Un album qui défiait bien un petit peu tous les styles, du rock au metal. Bon, j'ai découvert entre-temps un groupe que je vous placerai sûrement tout à l'heure, qui est pire que ça, qui nous va vraiment du limite blues gospel jusqu'au metal assez trash. Et franchement, très agréable d'ailleurs à écouter. Mais tout ça, on y reviendra dans d'autres émissions. En attendant, on va revenir du coup sur ce dernier album qui a conclu les PMR of Summer. Ce groupe-là, c'est X-Method. L'album est sorti en 2016. Voilà, il s'appelle Sex, Alcohol, Rebel Music. Et on se les écoute tout de suite avec la piste que je vous ai tirée ce soir. Si je ne m'abuse d'ailleurs, piste d'ouverture aussi hein, de l'album, Daniel Watts House. Et je vous souhaite une excellente écoute dans le punk metal rock. We'll be right back. des Neanderthal Horse, qui renfermait cette programmation musicale par le groupe X-Method et leur dernier album Sex, Alcohol, Rebel Music. Un album qui referme donc la programmation musicale, comme je le disais, en tout cas pour les PMR of Summer. Sachant que là, on s'est donc écouté 8 titres, à commencer par Supernova de Radio Belgrade, Take Control de Slayer, Price to Pay du groupe Elvaron, Megalodon de Mastodon, The Sunset Curse de Dagobah, Evoked by Light de Winterbloat, While We Sleep d'Insomnium, et enfin celle-ci, Denied What's Horse, comme je vous le disais, de X-Method. 8 pistes tirées de 8 albums différents pour 8 groupes différents qui étaient donc à l'honneur tout l'été dans les PMR of Summer. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, il nous reste un petit peu de temps, voilà, ça fait environ 50 minutes qu'on est ensemble. Il nous reste encore assez de temps pour diffuser d'autres pistes. Et quand je dis d'autres pistes, on va commencer tout de suite. Je pense qu'il y aura le temps d'en passer sûrement deux. Mais en attendant, on va surtout commencer avec la première. Je vous avais diffusé il y a quelques temps déjà dans les PMR, on va dire, standard, comme on reprend dans cette saison 5, le groupe Smash It Combo, un groupe de djent metalcore français, un petit peu rapcore également, voilà, plein de petits styles différents à leur arc, et franchement très sympathique à écouter. En tout cas, moi j'apprécie pas mal, j'espère que vous aussi en grande partie. On les avait diffusés donc avec le dernier album Playmore, sorti en 2016. Voilà, enfin, en tout cas, dans ces eaux-là, assez récents. Là, on va partir sur un truc beaucoup plus vieux, des premiers albums sortis en 2009, voire même, si je ne m'abuse, le tout premier, après les quelques démos EP. Cet album-là, sorti en 2009, c'est No Life, toujours le groupe Smash It Combo, et on s'écoute pour ça une piste qui déboîte bien du djent hardcore gamer. Donc, en petite dédicace également, tous les gamers qui écoutent le PMR ce soir. Game over, c'est la devise du hardcore gamer. J'ai subi mon GM, ma life est virtuée. J'avais game over, j'ai un hardcore gamer. Moi je suis dans mes verres, je crois que les consoles n'est j'ai le genre de bon et tu meurs. Hardcore gamer, peu la vie ne fait pas peur. Que c'est ça, pour mon humeur. Un bruit de corps, un batteur, je suis un hardcore gamer. J'vais écrire les pneus, moi je t'enfile, des barres arrêtées, je te mets 3 minutes dans les jambes, néon des drapeaux. Je n'ai qu'un Need for Speed, c'est mes 300 chez le capot. Et donc tourner le beat, tu comprendras pourquoi. Et que m'appelle Goodspeed, j'ai encore en première. Le moteur se bride, relâche ton stress. Je te laisse perplexe. Relâche ton stress. Je te laisse perplexe. Relâche ton stress. Je te laisse. La gare. Et voilà, vous les avez entendus avec Hardcore Gamer, c'était le groupe français Smash It Combo, avec un des premiers albums, comme je vous le disais tout à l'heure, No Life, donc groupe de rapcore, djent, metalcore français, album sorti donc en 2009. Franchement, du bon en tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié, comme moi je sais l'apprécier et bien être bangé quand même là-dessus, ça déchaîne bien. Alors voilà, comme vous le savez, l'émission est passée assez vite, et oui, une nouvelle édition du PMR qui se finit, et une émission, comme je vous le disais, spéciale, vu que c'est la première de cette saison 5. Alors un petit rappel vraiment en vitesse, on va se conclure du coup sur une autre piste, sur un groupe dont je vous parlais un petit peu d'ailleurs tout à l'heure. Donc une nouvelle saison qui se termine, des nouveautés à venir, pas spécialement de changements au niveau audio comme vous pouvez le suivre sur les diverses radios, web radios sur lesquelles le PMR est diffusé. Comme vous le savez, toutes les infos, les podcasts, les playlists, les dédicaces, www.punkmetalrock.com, et tapez également si vous le souhaitez un Punk Metal Rock sur YouTube, vous trouverez désormais les news du PMR à venir, donc des fois en vidéo, et sinon les chroniques vidéo qui vont arriver très prochainement. Une rubrique sera créée également à l'occasion sur le site du PMR. Allez, je vous le rappelle en vitesse, cette fois-ci les groupes qu'on a entendus ce soir, c'était Radio Belgrade, le groupe Slayer, Elvaron, Mastodon, Dagobah, Winterbloat, Insomnium, X-Method, Smash It Combo. Voilà, sachant que tous ces groupes, à part Smash It Combo, ont été les groupes des PMR of Summer, donc de cette année 2016. Et on va se quitter avec le groupe dont je vous parlais tout à l'heure, En Vitesse, qui nous fait aussi bien de la musique rock, metal, que du vraiment blues, avec même une pointe de gospel. Franchement, très très sympathique à écouter, si on aime toute cette diversité, le tout dans un seul album, c'est franchement très sympathique. L'album s'appelle Sucker, on y reviendra dans des prochaines émissions, il est sorti en 2016, le groupe c'est Welcome Back Delta, la pochette très sympathique, hein. Personnellement je la trouve vraiment extra, avec ces deux poulpes en noir et blanc qui forment un yin et un yang, assez sympathique, et qui montre aussi la diversité et la richesse de leur musique. Et ben on termine l'émission avec Beast Mode. Allez, en attendant, ben moi je vous dis du coup de retour semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition. Merci à tous d'avoir suivi ce Punk Metal Rock. Allez, see you soon, stay tuned and stay metal. decide where to go. Make the action, decide to attack. But feel the heat on the back of my neck. I gotta break the violence.